Les Misérables 2. Voici, en une heure, des extraits de la deuxième et troisième partie des Misérables, roman de Victor Hugo, publié en 1862. Choix des textes, résumés et enregistrements de Jean-Paul Alexis, juin 2017.